Chapitre 14. Le départ soudain du colonel Brandon, la fermeté qu'il avait mise à en cacher la cause, excitèrent la plus vive curiosité chez Madame Jennings, et pendant 3 ou 4 jours, elle en fut occupée au point que la course de Maria avec Willoughby fut tout à fait mise de côté. Elle avait deviné juste, elle était contente et n'y pensait plus. Elle était trop bonne pour se plaire à tourmenter ces pauvres gens, qui s'aimaient comme on doit s'aimer à leur âge, qui rivalisaient tous deux en beauté. Rien de plus naturel, et il n'y avait rien à dire. Mais ce colonel, que peut-il lui être arrivé? Elle errait de conjecture en conjecture. C'était sûrement quelque chose de très fâcheux. Elle a vu cela sur son visage, et la voilà à penser à toutes les espèces de maux et de malheurs qui pouvaient tomber sur lui. Pauvre cher homme, j'en suis vraiment effrayé. C'est peut-être une affaire dangereuse, une banqueroute, que sais-je. Il est possible qu'à ce moment il soit entièrement ruiné. Sa belle-terre de Delafort n'a jamais rendu plus de 2000 louis par an, et son frère lui a laissé beaucoup de dettes, je sais cela positivement. Mais que ne donnerais-je pas pour savoir à présent la vérité et le vrai but de ce voyage à Londres, si pressé qu'il ne peut le retarder d'une heure? Peut-être que cela regarde Miss William, et en rassemblant toutes les circonstances, je sais que c'est cela même. Il rougit quand je la nommais. Ne l'avez-vous pas remarqué? Moi, j'étais en face de lui. Je le regardais au blanc des yeux. Et je ne me trompe pas. Peut-être est-elle malade à Londres, peut-être morte. Rien dans le monde de plus vraisemblable. J'ai une idée qu'elle est très délicate. Je parie tout au monde que cette lettre regardait Miss William. Non, non, ce n'est pas une banqueroute. Il est trop prudent et trop sage. À moins, quoi qu'il en dise, que ce ne soit sa sœur qui le demande à Avignon. Il est très bon frère, et cela expliquerait cette grande presse. Enfin, à la bonne heure, qu'est-ce que cela me fait à moi? Quoi que ce soit, on le saura pourtant un jour. Je souhaite de tout mon cœur d'apprendre qu'il soit hors de peine et qu'il ait une bonne femme par-dessus le marché. C'était à Elinor que Madame Jennings adressait toutes ses conjectures, en s'étonnant beaucoup qu'elle ne partageât pas son inquiétude. Elinor s'intéressait infiniment au colonel, mais elle ne voyait aucune raison de s'alarmer pour lui. Elle était d'ailleurs trop occupée des amours de sa sœur et de Willoughby, et de l'extraordinaire silence que tous les deux gardaient sur leur projet de mariage, pour s'inquiéter d'autre chose. Elle ne savait comment expliquer ce mystère, incompatible avec leur caractère à tous les deux, tandis qu'ils n'en mettaient pas même assez dans leur inclination réciproque. Pourquoi ne pas s'ouvrir entièrement, soit à elle, soit à Madame Dashwood? Cette dernière ne se conduisait pas de manière à faire craindre un refus à Willoughby, qu'elle comblait d'amitié comme s'il eût été déjà son beau-fils. Et quand toute sa conduite dirait qu'il aspirait à le devenir, pourquoi continuait-il à se taire? Elinor ne pouvait l'imaginer. Elle comprenait bien cependant qu'il était possible, quoique Willoughby fût très amoureux de Maria, il ne fut pas le maître de l'épouser immédiatement. Il était indépendant, il est vrai, mais tant que Madame Smith vivait, il n'était pas assez riche pour s'établir. Sa terre de Hautecombe ne lui rapportait, d'après Sir George, que 600 ou 700 pièces par an, qui lui suffisait à peine pour sa vie de garçon, et souvent il s'était plaint devant elle de sa pauvreté. Malgré cela, il était singulier qu'avec l'extrême franchise dont il faisait profession, et que Maria mettait sans cesse à la tête de toutes les vertus, il ne leur échappa jamais un mot ni à l'un ni à l'autre sur un projet d'union qu'ils formaient bien certainement. Mais étaient-ils réellement engagés ensemble? Toute leur conduite l'affirmait, et surtout cette course à Altenham. Cependant, quelquefois, une espèce de doute traversait l'esprit d'Elinor et l'empêchait d'avoir une explication avec sa sœur. Si vive, si sensible, si peu raisonnable, lui pardonnerait-elle l'ombre d'un doute sur celui qu'elle aimait si passionnément? Souvent aussi, Elinor reprenait en lui une entière confiance. Toute sa conduite était si franche, si ouverte, qu'il croyait peut-être n'avoir pas besoin de s'expliquer plus clairement. Il était avec Maria le plus tendre et le plus attentif des amants, et avec sa mère et ses sœurs, le fils et le frère le plus affectionné. Il avait l'air de les regarder toutes comme ses parentes, et la chaumière comme sa maison. Il y passait bien plus de temps qu'à Altenham. Et lorsqu'il n'y avait pas d'engagement général au parc, il restait des jours entiers à côté de Maria, son chien favori couché à ses pieds, lisant, faisant de la musique comme s'il eût déjà fait partie de la famille. Une soirée particulièrement, environ une semaine après le départ du colonel, son cœur sembla s'ouvrir avec plus d'abandon et d'attachement pour tous les objets qui l'entouraient. Il était comme à l'ordinaire, seul avec la mère et les trois sœurs. Quand Madame Dashwood parla de ses projets d'agrandir et d'embellir la maison le printemps suivant. Aussitôt, il rejeta cette idée, avec beaucoup de feu et de sentiment, comme ne pouvant supporter la pensée d'aucun changement dans un lieu qui lui était si cher, tel qu'il était et qui lui paraissait parfait. « Quoi ? » s'écria-t-il, « embellir cette chère demeure ? Non, non, je n'y consentirai jamais. Pas une pierre ne doit être ajoutée à ces murs, pas un coin ne doit être changé. Si vous avez le moindre égard à mes sentiments. » Madame Dashwood sourit et lui tendit la main en silence, mais avec l'air attendri. « Ne soyez pas alarmé, mon cher Willoughby, » dit Elinor gaiement. « Maman fait beaucoup de projets. Cela ne coûte rien, mais il n'en est pas de même de l'exécution, et nous ne serions jamais assez riches pour bâtir. »« J'en suis charmé, » s'écria-t-il. « Puissiez-vous toujours être pauvre, si vous ne savez pas mieux employer vos richesses ?» Bien obligé du souhait, Willoughby, dit Madame Dashwood, mais soyez assuré que je sacrifierai sans peine tous mes projets d'embellissement à ce touchant sentiment d'affection locale que vous venez d'exprimer. Fiez-vous à moi là-dessus. Quelque riche que je devienne, je ne dépenserai pas mon argent d'une manière qui vous serait aussi pénible. Mais êtes-vous réellement assez attaché à cette maison pour n'y voir aucun défaut ? Aucun, je vous le jure, dit-il avec feu. Je vous dirai plus, je la regarde comme le seul endroit sur la terre qui me donne l'idée du parfait bonheur domestique, et si j'étais moi assez riche pour bâtir, je jetterais bas ma grande maison de Hautecombe pour la rebâtir exactement sur le plan de votre chaumière. Sans oublier cet étroit et sombre escalier et la cuisine qui fume, dit Elinor. Oui, sans rien oublier, exactement comme ceci, les petits inconvénients même, ils tiennent aussi à des souvenirs. Et la moindre variation m'avertirait que ce n'est pas la chaumière de Barton. Oh, je pourrais peut-être alors être aussi heureux à Hautecombe que je l'ai été ici. J'espère, reprit Elinor, que même avec le désavantage d'un grand escalier et d'un beau salon, vous trouverez aussi le bonheur dans votre maison. Il y a certainement, dit Willoughby, des circonstances qui pourraient aussi me la rendre bien chère. Mais cette demeure-ci aura toujours des droits sur mon affection qu'aucune autre ne peut avoir. Oh, qui rendra l'expression de plaisir, de bonheur, de tendresse, de passion, qui se peignit alors dans les yeux de Madame Dashwood et de Maria. C'était l'amour maternel et l'autre amour dans toute leur force. Toutes les deux regardèrent l'aimable enthousiaste de la chaumière, de manière à lui dire qu'on l'avait entendu. « Combien de fois ai-je souhaité, ajouta-t-il, quand je venais à Altenham, que cette charmante demeure fût habitée. Jamais, dans mes promenades, je n'ai passé devant sans admirer sa situation, sans regretter que personne n'y vécût. Avec quel plaisir j'appris en arrivant cette année chez Madame Smith que ce vœu était exaucé. J'éprouvais une satisfaction, un tel intérêt pour cet événement qui m'était si étranger, que je ne pus l'expliquer que comme un pressentiment du bonheur qui m'attendait. « Ne le pensez-vous pas aussi, Maria ? » dit-il un peu plus bas en se penchant de son côté. Et continuant plus haut, il dit vivement, « Et vous voudriez gâcher cette demeure, Madame Dashwood ? Vous voudriez lui ôter le charme de sa simplicité et ce cher petit salon où notre connaissance a commencé, où j'ai porté Maria dans mes bras, où j'ai passé au milieu de vous tous tant d'heures délicieuses ? Vous voudriez le dégrader, en faire une allée où tout le monde passerait pour entrer dans un salon plus grand, plus beau peut-être, mais qui n'aurait jamais pour moi le prix de celui-ci, où tout parle à mon cœur, où tout est si bien, si agréablement établi. » Madame Dashwood lui promit encore que rien n'y serait changé. « Vous êtes la meilleure des femmes et des mères, » lui dit-il, en serrant sa main entre les siennes. « Cette promesse commence déjà à me rendre heureux. Étendez-la plus loin. » Le cœur d'Elinor battit. « Dites-moi que non seulement votre maison restera toujours la même, mais que j'y trouverai toute ma vie cette affection, cette bonté avec laquelle vous m'avez reçu et qui m'a rendu cette demeure si chère. » Il n'en dit pas davantage. Elinor aurait voulu quelques mots de plus, mais Maria avait l'air si contente qu'elle le fut aussi. Madame Dashwood lui fit la promesse qu'il demandait, et la conduite de Willoughby pendant toute cette soirée témoigna son affection et son bonheur. « Venez dîner demain avec nous, mon cher Willoughby, » lui dit Madame Dashwood quand il sortit. « Sans cela, nous ne vous verrions pas de la journée. Nous voulons aller au parc faire une visite à Lady Middleton, mais nous reviendrons de bonne heure. » Il l'accepta et promit d'être chez elle avant 4 heures le lendemain.